serai grand, je resterai au perché. Moi, je serai un battant, et toujours je serai le premier. Ne te moque pas, je t'assure, il suffit de le vouloir et d'y croire. Grimpe tout en haut du mur, et toi aussi, tu auras ton heure de gloire.